au fond de mon cœur, des mots en éclosion, tous sont la couleur de tes yeux, le parfum de ton sourire, ils se penchent les uns sur les autres, comme tes lèvres sur mon cou, lorsque tu t'approches et que tu es près de moi, deux mots pour t'écrire, deux mots de bonheur, deux mots pour te dire que tu es dans mon cœur, deux mots de douceur, deux mots de gaieté, pour un temps de baiser, ces deux mots je te les dis, par cette si belle nuit, sous ce ciel étoilé, pour l'éternité, que tu es dans mon cœur à jamais, personne pourra nous séparer, même quand la dispute sera lancée, notre amour prendra le dessus pour effacer le mauvais temps passé. Nous allons suspendre le temps, transformer l'hiver en printemps, mettre de la couleur sur le blanc, dans les déserts infranchissables, cueilleront des roses, des sables, au large des îles sous le vent, pêcheront des poissons d'argent. Quand je t'ai rencontré, mon cœur a gardé ton image, et à chaque journée je la regarde comme un mirage, ta voix, je l'entends en musique, magique et unique, je ne veux pas te perdre, et si je deviens fou, pardonne-moi, je ne veux pas d'imaginer ma vie sans toi, tellement heureux de t'avoir trouvé, que mon cœur est troublé, grâce à toi mon cœur, je vis un tel bonheur, comblé en tout point, tu réponds à tous mes besoins, de chemin en chemin, tu m'as tenu la main, pour tracer mes deux mains, sur l'écorce des pins, aujourd'hui, te voici à mes côtés, belle comme un rivage ensoleillé d'été, tes yeux m'offrant la splendeur d'un ciel étoilé, ton sourire m'a attiré, c'est là que je m'y approcher près de toi, musique collée, pour y voir tes yeux, qui m'ont ensorcelé, je remets notre destinée entre les mains de l'avenir, je sais aussi, que quand nous unirons nos vies, par les vœux du mariage, ça sera par amour, je vais te donner mon cœur à part entière, jamais mentir, toujours sincère, souviens-toi de ceci, au fil des années, qui doucement arrivent, pour chaque sourire donné, un peu de bonheur, atteint le cœur, et tu remarqueras, que très souvent, automatiquement, mon sourire répondra au tien.